sans passer, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, asservies, humiliées, les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisées, les femmes, et de nos sœurs séparées. Duhamel, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Fort-de-France. Vous êtes également membre du MIR, le Mouvement International pour les Réparations. Et vous venez de publier une lettre, Maryse Duhamel, lettre dans laquelle vous remerciez la chanteuse guadeloupéenne Joëlle Ursule pour son courage. Elle avait reproché à François Hollande une hiérarchisation des horreurs de l'humanité en plaçant le génocide juif en tête de ses crimes contre l'humanité. Une indignation de Joëlle Ursule qui l'honore, c'est ce que vous dites. Oui, tout à fait, oui. Pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement rare de voir des personnes non politiques, nous allons dire non engagées politiquement, prendre des positions aussi radicales contre ce qui se passe. Et Mme Ursule a eu ce courage qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu, parce que je me suis dit, voilà quelqu'un qui s'inquiète du sort de son peuple. On a le sentiment d'être souvent seul quand on se bat, quand on voit des choses et qu'on fait circuler des idées un petit peu par la toile, puisque maintenant on a Internet et que c'est un peu plus facile. Et voir donc quelqu'un qui prend une position aussi ferme. Une artiste et qui écrit au président de la République. Qui écrit au président de la République et surtout, j'allais dire simplement une artiste, ce n'est pas une personne politique. Ce n'est pas une personne qui a l'habitude de s'exprimer sur la chose publique. Et là, non seulement elle s'exprime avec énormément de sincérité et avec énormément de justesse. Et vraiment, je trouve que c'est une excellente chose. Alors, ce principe de hiérarchisation, toutefois, vous tenez à dire que tout part, selon vous, d'une vision bien précise des choses au départ, une vision blanche, oui. Une vision européenne sur les différentes composantes de la population mondiale. Oui, tout à fait. Il faut savoir une chose, c'est que chaque civilisation a son paradigme, c'est-à-dire sa manière de voir le monde, les principes qui seront posés à la base même de cette perception et de cette conception du monde, et ensuite la pratique de ce paradigme, la pratique de cette vision du monde. Il se trouve que l'Europe, les Européens, ont été les premiers et les seuls à établir leur fondement même de la vision, de leur vision du monde sur la racialisation des rapports humains. C'est-à-dire qu'ils ont créé le concept identitaire de race. Un Européen se définit comme étant un être racial et définit donc les autres comme étant des êtres raciaux. Ce sont eux qui ont inventé ce critère de définition identitaire et qui ont réussi au moyen de la colonisation et d'un certain nombre d'exactions commises partout dans le monde, parce qu'il faut vraiment dire que l'Europe, qui est l'un des plus petits continents, est le seul à être allé partout dans le monde, massacré et prédaté. Donc, c'est justement leur, cette vision du monde qui est racialisée, qui leur permet de faire une hiérarchie. Puisqu'il y a plusieurs races, puisque tous les humains ne sont pas identiques, eh bien, il y a ceux qui sont au-dessus et ceux qui sont en dessous. Ça, c'était vrai hier? Ça l'est toujours, selon vous? Ça l'est de plus en plus. Ça l'est de plus en plus. Pourquoi? Pourquoi ça l'est de plus en plus? Parce que, en fait, nous autres, non-européens, non-blancs, nous avons depuis maintenant... Les Noirs, les Indiens... Oui, nous allons dire les non-blancs, ceux qui ne se définissent pas identitairement comme étant des êtres racialisés ou des êtres blancs. Les blancs étant ceux qui nous définissent comme des êtres racialisés, mais nous ne nous définissons pas comme cela. Nous nous définissons comme des êtres humains, de vrais êtres humains, point final. Et donc, les Européens ont réussi à imposer ce système au monde et il se trouve que maintenant, vous allez partout et tout le monde parle de race. Comme si la race existait. Il y a quand même un combat pour faire sortir ce mot, par exemple, de la Constitution française. Voilà. Alors, faire sortir ce mot de la Constitution française, c'est bien parce que c'est eux qui l'ont inventé, qu'ils sont maintenant un petit peu embêtés avec. Parce qu'ils se rendent compte de la chose suivante, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui, comme moi, commencent à dénoncer cette pratique. Parce qu'il y a la vision du monde. Et puis, il y a la pratique de la vision du monde. Nous, non-blancs, nous avons notre vision du monde, qui consiste à dire que tout le monde, c'est moun, qui consiste à dire qu'il n'y a pas de race, qui consiste à dire que l'autre en face de moi, c'est moi. Je dois pouvoir me reconnaître dans l'autre qui est en face de moi. Un blanc n'est pas capable de se reconnaître dans un noir. Et lorsque Madame Georges Pollangevin rappelle, ministre des Outre-mer d'origine guadeloupéenne, lorsqu'elle répond à la lettre de Joëlle Ursule et croit taire la polémique en disant que la traite négrière avait pour objectif de trouver une main-d'œuvre bon marché, mais qu'il n'y avait pas intention, pas de programmation d'une extermination, elle s'est trompée selon vous? Alors, je ne dirais pas qu'elle s'est trompée. Je dirais que Madame Pollangevin est l'incarnation même de ce qu'on appelle le créolisé, la créolisation réussie. Il faut savoir que pour pouvoir mettre en place sa pratique de sa vision du monde raciste, l'Europe, les Européens, en l'occurrence les Français nous concernant, ont utilisé divers processus, dont celui de la créolisation. La créolisation, c'est faire adhérer celui que vous dominez, que vous prédatez, à vos propres conceptions. Je suis supérieur, donc tu dois penser que je suis supérieur. Je dis que tu es inférieur, donc toi aussi tu dois dire que tu es inférieur. Donc Madame Pollangevin, c'est un exemple. Elle est le pur produit de ce système, c'est un exemple très réussi de ce qu'on appelle la créolisation. Elle va apprécier. C'est une créolisée. Et je ne dis pas ça pour l'insulter. Et je ne voudrais surtout pas, je sais que ça va peut-être pas lui plaire, mais il faut qu'elle comprenne une chose, c'est que quand elle dit ça, elle adhère directement à la base raciste posée par les Européens, et en l'occurrence par les Français, et qui régit le monde en ce moment. Le système de civilisation de la France et de l'Europe en général est un système raciste. Le corpus juridique, les institutions juridiques et judiciaires de la France sont des institutions racistes. Et voilà, vous allez vous faire tellement d'amis là aujourd'hui. Et quand je vous dis que c'est raciste, je pense à ce que vous avez signalé tout à l'heure dans le journal. Et regardez, pour ce matin, j'avais pensé que peut-être qu'on me parlerait de propos racistes. J'étais pas au courant de ce qui s'est passé là. Mais on le rappelle très rapidement, des touristes qui ne voudraient pas que leurs enfants se baignent avec des enfants de Martinique. Des enfants noirs en Martinique. Eh bien, j'avais noté sur un petit papier, j'avais noté épiphénomène. Ce que c'est qu'un épiphénomène. Un épiphénomène, c'est un phénomène accessoire qui accompagne le phénomène essentiel sans être pour rien, mais pour rien dans son apparition ou dans son développement. Que voulez-vous dire par là ? Donc tous les propos racistes, tous les comportements racistes que vous verrez se multiplier et se décupler ne sont pour rien dans le système raciste dans lequel nous vivons. Ils ne sont que la conséquence. Alors que faut-il faire pour sortir de cela ? Il faut détruire ce système. Une fois que nous avons compris Et les seuls qui peuvent le faire, ce sont les vrais êtres humains, ceux qui se revendiquent non pas en tant qu'être raciaux ou être racialisés, mais en tant qu'être humain, point. Vous savez que vous allez vous faire taper sur les doigts, hein, parce que mais vous parlez de vrais êtres humains. Oui, de vrais êtres humains, non, et non pas des êtres humains raciaux. Les Blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Pourquoi ils se sont mis hors humanité? À partir du moment où ils disent qu'ils sont, ils ont une identité raciale, leur identité raciale n'est plus humaine parce que l'être humain n'est pas racialisé. Ils ont racialisé leur rapport aux autres, mais leur rapport aux autres est cette racialisation est illusoire parce que la race en tant que telle n'existe pas. Et pourquoi elle n'existe pas? Je vous le disais tout à l'heure. Regardez, ouais. Ils se prétendent de race blanche et quand ils se mélangent avec une autre, ce qu'ils appellent race, l'enfant qui en sort n'est pas blanc. Ça veut dire qu'ils sont même pas capables de transmettre la race qu'ils prétendent, à laquelle ils prétendent appartenir. Maryse Duhamel, ce débat que vous avez certainement ravivé avec les propos tenus dans Décryptage ce matin, cela doit-il agiter uniquement certains milieux intellectuels, pas la classe politique par exemple? Davantage en tout cas? Ce qui se passe dans surtout dans notre île. Dans le système raciste dans lequel nous vivons, il y a un certain nombre d'éléments qui sont mis en place, un certain nombre d'institutions, nous allons dire, qui sont mises en place et qui permettent de maintenir le système. Et nos politiques en font partie parce que nos politiques sont comme nous. Et je parle aussi pour moi. Longtemps, j'ai été créolisée et je suis en train de me décréoliser. Donc, nous sommes nés, faut quand même pas oublier notre histoire. Nous sommes le produit de viol. Nous tous qui sommes là, nous sommes le produit de viol, le viol de l'Afrique par l'Europe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la base même, nous sommes des êtres qui sont nés dans des souffrances. Qui, d'ailleurs, nous n'aurions jamais dû être là. Des jérémiades, certains diront, il faut avoir dépassé ça. Donc, mais je ne me plains pas. Je dis simplement que nous sommes issus de viol. Nous avons subi pendant des siècles et nous continuons de subir une domination qui nous impose de nous penser et de nous vivre comme étant des sous-humains. Nous avons un statut, nous autres. Les choses changent, Maryse Duhamel. En Martinique, il faut que vous sachiez une chose. Le décret de 1848 qui a proclamé l'abolition de l'esclavage a déclaré que les nègres étaient affranchis. Ça veut dire quoi? L'affranchi, le statut d'affranchi est un statut particulier du Code noir. L'affranchi n'est pas considéré comme un être humain. Le seul être humain dans le Code noir, c'était le blanc. Vous aviez l'esclave qui était un meuble, et puis vous l'avez l'affranchi qui était une espèce de bâtard entre les deux, mais qui de toute façon n'était pas un être humain. Donc aujourd'hui, avec le décret de 1848, juridiquement, dans le corpus juridique français, nous sommes des sous-humains. Et c'est tellement vrai que nous sommes des sous-humains que lorsque le décret de 48 a été voté, non seulement il n'a jamais été pensé d'indemniser les Noirs pour ce qu'ils avaient vécu, mais c'est les Blancs qui ont été indemnisés. Pourquoi ils ont été indemnisés? Parce que lorsque vous commettez un crime contre l'humanité, vous avez trois choses qu'une personne en droit français est considérée comme un être humain. C'est le droit à son intégrité physique, le droit à son intégrité psychique ou morale et le droit au respect de sa dignité humaine. Lorsque vous me dites que vous ne me réparez pas de ce que vous m'avez fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne respectez pas mon droit à la dignité humaine. Vous me considérez comme un être, comme une chose, puisque vous allez indemniser mon propriétaire, c'est-à-dire les maîtres blancs créoles, et moi, comme le cochon, la poule, la vache, je ne serai pas indemnisé. Maryse Duhamel, ce sera un combat qui sera très long pour vous encore? Ah, je il crois fera des que, émules oui, non, mais il a et déjà vous 100% des gens. Oui, je remercie vraiment Joël Ursule parce que c'est enfin, on a le sentiment que ça grouille maintenant. C'est-à-dire qu'il faut dire aussi que les Français sont allés très loin. Hollande va très très loin. Hollande est quelqu'un enfin, je croyais que c'était difficile d'être pire que Sarkozy, mais je me rends compte que bon, il y en a qui ont encore de l'avenir. Pensez la possibilité d'un féminisme décolonial. Alors, on se calme. On se pose les fesses, on n'a pas peur, on ne fait pas marcher ses fantasmes, ses phrases toutes faites. Il y a vraiment, je le souhaite, une tentative de comprendre et d'entendre ce qui se dit. Voilà. Penser la possibilité d'un féminisme décolonial. Avant que j'oublie, c'est Bruxelles Panthère qui a organisé cette rencontre. C'est grâce à eux que ça a pu se faire. Qu'est-ce que ce Bruxelles Panthère? Je vous invite à aller voir sur Internet parce que je le réduirai en quelques phrases. Ça prend le temps d'expliquer un peu qu'est-ce que c'est que ce Bruxelles Panthère. Ça fait référence aux Black Panthers aussi, Allez voir. Donc c'est Bruxelles Panthère qui organise cette rencontre, Penser la possibilité d'un féminisme décolonial. Et cette rencontre, c'est avec Malika Hamidi, Ouria Boutelja et Khadija Sehadji. Alors, qui sont ces trois madames? Eh bien, Malika Hamidi qu'on va entendre cette fois-ci, parce que c'est ça fait 2 heures hein, cette rencontre. Donc, ce sera en 2 parties. Première partie cette fois-ci, avec surtout essentiellement, on va entendre Malika Hamidi qui vient de sortir un livre qui s'appelle Un féminisme musulman et pourquoi pas. Vous allez entendre la suite. Elle va raconter elle-même, c'est intéressant. Enfin, voilà, elle recontextualise un peu toute cette histoire hein, de féminisme musulman. Qu'est-ce que c'est? C'est aussi des étiquettes qu'on colle comme ça sur. Enfin, écoutez ce qu'elle dit, c'est vraiment intéressant. Alors, qui est Malika Hamidi? Elle est docteure en sociologie, directrice générale de European Muslim Network. Elle a fait un projet de recherche sur l'impact de l'islamophobie sur les femmes musulmanes d'Europe. Je lis aussi qu'elle est spécialiste du féminisme musulman en Europe. Elle a notamment coécrit des féminismes islamiques à La Fabrique 2012. Aux éditions La Fabrique. Malika Hamidi est une experte reconnue des institutions européennes et participe régulièrement à des séminaires sur les enjeux de la présence musulmane en Europe. Elle est certes active au niveau académique, mais son travail de terrain auprès des communautés musulmanes reste non négligeable. Je le lis, reste non négligeable. Voilà. Elle s'entretiendra avec Ouria Boutelja, qu'on entendra la prochaine fois, à l'occasion de la parution de son nouveau livre, je le répète, « Un féminisme musulman et pourquoi pas ?» paru aux éditions de l'Aube. On parlera plus la prochaine fois lors de Madame Ouria Boutelja. Et alors, il faut aussi parler de Khadija Sehadji qui anime cette table ronde. Donc, Madame Khadija Sehadji, excusez-moi si je ne prononce pas bien, est socio-anthropologue intéressée par diverses thématiques telles que les inégalités, les identités et la mémoire dans une perspective post-coloniale. Elle travaille en particulier sur la question des discriminations liées au genre et à l'origine ethnique sur le marché du travail. Voilà. Dans Deuxième Sexe, Simone de Beauvoir, qui était à l'époque encore critique à l'égard du féminisme comme mouvement de pensée et de lutte, ça va mieux comme ceci ? Voilà. Elle écrivait « Les femmes ne sont pas solidaires en tant que sexe, elles sont d'abord liées à leur classe. » Elle disait aussi « Bourgeoises, elles sont solidaires des bourgeois et non des femmes prolétaires, blanches, des hommes blancs et non des femmes noires. » Cet ouvrage posait les prémices des revendications féministes qui allaient faire jour en France et plus globalement en Europe près de 2 décennies plus tard. Pourtant, des quelques mots que je viens de citer et de l'idée qu'ils expriment, il n'en restera pas grand-chose. Tant la question de l'universalisme féminin est très vite posée comme fondement majeur du mouvement de la deuxième vague, à savoir un mouvement à vocation universelle qui serait porteur de droits et de revendications pour toutes les femmes, puisque la cause des femmes serait en tout lieu identique. Depuis, on sait que de l'eau a coulé sous les ponts de l'universalisme. Le continuum des rapports de domination raciale, la mutation du racisme vers des formes de plus en plus sophistiquées qu'incarne notamment l'islamophobie contemporaine, le fémonationalisme ou l'instrumentalisation de la rhétorique de l'égalité homme-femme à des fins racistes et islamophobes, l'ensemble de ces phénomènes ont favorisé l'émergence de voies alternatives au féminisme hégémonique en Europe, comme en d'autres temps et dans un autre contexte, le black féminisme avait fait valoir ses revendications aux États-Unis. Donc on sait que dans la foulée de l'affaire dite du foulard en France, mais qui a fait aussi des émules en Belgique, on a observé l'émergence de voix féministes musulmanes à portée citoyenniste, c'est-à-dire des voix qui affirmaient pleinement leur dimension de citoyenne française, belge ou plus globalement européenne, en même temps qu'elle revendiquait donc une identité musulmane assumée. De manière concomitante, des voix afroféministes se sont fait entendre avec entre autres objectifs la volonté de questionner les représentations dominantes de la féminité, les codes de beauté imposés, etc. Alors même que dans nos contrées, on sait qu'il y a un déficit de représentation des populations noires, un déficit de représentation à la fois politique et médiatique. Et donc la question qui va être posée aujourd'hui, c'est de savoir dans quelle mesure l'ensemble de ces voix alternatives féministes peuvent se revendiquer d'un féminisme décolonial et comment est-ce qu'elles peuvent affirmer leur côté décolonial, enfin leur féminisme décolonial. Il s'agit, on sait, pour ces voix tantôt de se réapproprier le combat féministe, tantôt de le questionner, de le mettre en perspective, voire carrément de le récuser. En tout cas, ce que ces voix font toutes, c'est qu'elles procèdent en général toutes du choix assumé de s'exprimer à partir d'un point de vue situé. Et ce choix, c'est précisément celui que posent nos deux invités du jour. Donc pour débattre de cette question des possibilités de voir émerger un féminisme décolonial, on a le plaisir et l'honneur de recevoir deux grandes figures féminines, je dirais, du champ intellectuel et militant francophone. Malika Hamidi, donc tu es docteur en sociologie de l'École des hautes études en sciences sociales, coprésidente de European Muslim Network, et tu viens de publier l'ouvrage « Un féminisme musulman et pourquoi pas ». Quant à toi, Ouria Boutelja, tu es membre fondatrice et porte-parole du mouvement devenu Parti des indigènes de la République, et tu es l'auteur de « Les Blancs, les Juifs et nous » vers une politique de l'amour révolutionnaire. Alors très brièvement, vos angles de vue comme vos postulats de départ à l'une et l'autre à l'égard du féminisme sont différents. Toi, Malika, tu t'inscris dans une perspective de réappropriation des sources scripturaires de l'islam d'un point de vue genré, pour finalement émettre une proposition d'un féminisme nouveau à visée globale ou totale, pourrais-je dire, c'est-à-dire un féminisme qui aurait un impact sur les différents champs de la vie sociale et politique. Tu me corrigeras si ce n'est pas le cas. Quant à toi, Ouria, tu t'exprimes à partir de la catégorie politique de l'indigénat et tu émets d'emblée une certaine réserve quant à la possibilité de te définir comme féministe. En tout cas, tu préfères, dis-tu, rester prudente. Tant la situation complexe que vivent les indigènes rend mal aisée leur haute définition. Tu dis aussi qu'il faut pouvoir accepter le féminisme quand les femmes s'en emparent, mais aussi le refuser quand les femmes le rejettent. On explorera dans une seconde partie donc, ta position de manière plus détaillée. Voilà un petit peu pour l'introduction. Donc, je vais commencer par donner la parole à Malika qui va nous présenter donc, son ouvrage et les principales thèses qu'elle y développe. Et puis dans une seconde partie, donc, on échangera avec Ouria et on rebondira sur une série de choses qui auront été dites en première partie. Voilà, la parole est à toi. Merci, merci beaucoup Khadija Senadji pour cette belle introduction, pour... d'abord pour cette mise en débat et c'est un honneur pour moi évidemment d'être avec Ouria. Avant de dire pourquoi c'est un honneur, j'aimerais remercier Nordine Saïdi, Bruxelles Panthère, le collectif, toutes les personnes qui se sont engagées administrativement, logistiquement pour faire que cet événement ait lieu, le Piano Fabrique pour nous accueillir. Et puis oui, alors évidemment Ouria et moi c'est une histoire de presque 20 ans. Hein, ça ne nous rajeunit pas. Donc, avec Ouria, c'est vrai qu'on avait commencé les premiers balbutiements de nos réflexions sur les questions liées au féminisme. C'était lors du lancement du collectif des féministes pour l'égalité en 2004. C'est là qu'on s'est vus pour la première fois, si tu te souviens bien. Je sais pas, je croyais que c'était une école pour tous, mais... Non, c'était collectif. D'accord. Moi, je me souviens bien. Je prenais la parole pour la première fois de ma vie sur féminisme et islam. D'accord. Ce qui m'a valu cette étiquette, d'ailleurs. Et je me souviens encore, le lieu, la salle, on était en cercle. C'était en 2004. Donc, c'était les premiers débats autour, les premiers débats nauséabonds en France autour de la question, le débat autour de l'interdiction liée au foulard. Et donc on se réunissait avec des féministes d'horizons divers pour dénoncer un droit qui allait être bafoué, le droit à l'éducation. Donc on était toutes jeunes, pleines d'énergie, pleines d'idées. Et puis effectivement, après, chacune a pris son... a frayé son chemin, sa réflexion. Chacune a développé des idées, des visions divergentes, mais en même temps consensuelles. Et c'est ça, je pense, qui fait aussi notre force. Même si on n'est pas dans les mêmes collectifs, je pense que nos luttes se rejoignent. Et je crois que c'est ça qui fait la force de nos réflexions, de notre militantisme et ce qu'on se disait juste avant, du fait qu'aujourd'hui on est un petit peu considéré comme des profils féminins autour desquels beaucoup de peur et d'inquiétude se cristallisent finalement, parce que voilà, on met les pieds dans le plat. Et je pense qu'on fait partie de cette génération aussi qui étions un petit peu les premières à nous autonomiser, à libérer une parole, puisque moi j'appartiens aussi à cette génération des musulmanes qui nous réunissions, mais pour qui c'était difficile de se réapproprier une parole. On était beaucoup sur les questions islamico-islamiques, et je reviendrai là-dessus, pour ensuite s'affranchir aussi d'un certain pouvoir qui fait que bien on s'est autonomisé et on a revendiqué avec audace l'idée de parler pour nous-mêmes. Qui parle pour qui, hein, le fameux qui parle pour qui de Gayatri Spivak, c'était aussi ça chez les musulmans, c'était les femmes musulmanes qui se rappropriaient une parole, c'était nous les femmes musulmanes, nous allions parler pour nous-mêmes et par nous-mêmes, et nous allions nous positionner politiquement et religieusement sur les questions liées ne serait-ce que la question du foulard islamique. Alors, excusez-moi parce que ce micro là, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on nous entende et qu'on s'entende. Merci. Donc, en introduction, à un moment donné, tu as parlé de ce féminisme que je promouvais. Alors, je le dis, moi, l'étiquette de féministe musulmane, je le disais dernièrement à une collègue. En fait, moi, on me l'a collé, cette étiquette de féministe musulmane. Moi, je ne m'étais jamais définie en tant que féministe musulmane. J'avais juste écrit un article en 2003 ou 2004, « Islam et féminisme, une appropriation mutuelle ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, j'appartiens à cette école, entre guillemets. Ça va peut-être déranger, ça va peut-être choquer, mais bon, je le dis parce que je crois qu'il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de féminisme islamique ou musulman, c'est avec Tariq Ramadan. Donc ça fait toujours sursauter quand je dis ça, ça a peut-être même fait sursauter quand je l'ai mis dans la thèse. Mais moi, c'est de là en fait que vient ma réflexion, c'était l'ouvrage « Musulmans d'Occident et l'avenir de l'islam » dans lequel Tarek consacrait un chapitre vers un féminisme islamique, vers l'émergence d'un féminisme islamique. Puis là, je me dis, tiens, concept tout nouveau, c'est intéressant, parce qu'effectivement, ça mettait en mots un petit peu... La dialectique dans laquelle je m'inscrivais, c'est-à-dire cette lutte pour les droits des femmes à partir des sources scripturaires et en même temps cette revendication, combinée à cette revendication de citoyenneté égalitaire, on est en plein dans les affaires de foulard islamique. Et donc pour moi, ça me parlait, ça faisait écho en moi. Puis j'ai commencé à m'intéresser, à réfléchir. Donc lui faisait, il fait un petit peu le sociologue dans cet ouvrage-là, mais il cite un petit peu toutes les intellectuelles féministes musulmanes engagées, notamment des États-Unis, qui ont élaboré cette pensée, cette rhétorique féministe islamique. Donc moi, ma réflexion, elle part de là. Elle part de là, et puis à un moment donné, on était à l'époque toute une génération de militantes, de cadres associatives féminines en France. Donc on était avec Ismaël Schuder, Zahra Ali, donc on était tout un groupe de personnes. Et puis à l'époque, on s'était dit, tiens, ce serait intéressant d'avoir des séminaires de formation sur la question de la femme et un séminaire de formation sur le féminisme islamique. Et donc j'en parle dans le livre pour ceux qui l'ont lu. Et donc ce premier séminaire avait été animé par Tariq Ramadan. Mais il n'avait pas été animé, j'ai envie de dire, dans une posture de voilà ce qu'est le féminisme islamique, voilà la substance, voilà les outils que pour le promouvoir. Non, c'était une présentation de l'ouvrage, mais je me souviens d'une phrase qui nous disait « c'est à vous de prendre en charge cette question, c'est à vous de réfléchir et de vous l'approprier ou pas, de questionner le concept ou pas, d'être critique ou pas. » Mais voilà, il y a un mouvement de femmes qui se dessine. Lui, c'est quelqu'un qui a voyagé dans le monde entier et donc il venait là pour nous apporter toute cette dialectique. Donc moi, c'est comme ça que je suis arrivée un petit peu à ces affaires de féminisme musulman. Puis hop, j'ai rédigé un article. Puis là, je devenais la féministe musulmane. Bon. Moi, ma vision des choses, c'est un petit peu comme une Emina Wadoud qui dit, moi, je suis une femme de foi. Mais maintenant, si me qualifier de féministe musulmane, ça permet de mieux comprendre la lutte, eh bien, pourquoi pas? J'endosse cette identité. Et voilà, et moi, c'est ce que je dis et je répète. Pour moi, il ne s'agit pas absolument de... Parce qu'il y a un petit peu cette obsession ces derniers temps de vouloir absolument se définir. C'est cette obsession à vouloir... En fait, quand on n'arrive pas à ce que disait Omeyma Aboubakr, qui est une intellectuelle égyptienne, Omeyma Aboubakr, elle est égyptienne, elle est à l'université américaine du Caire. On avait eu ce fameux colloque sur le féminisme islamique au Caire en 2011, avec toute une pléthore d'intellectuels, de militantes, de savants religieux aussi. On avait eu les savants d'Al-Azhar qui s'étaient déplacés pour l'occasion. Et c'est ce qu'elle disait. Elle disait, en fait, aujourd'hui, pour se rassurer, parce que finalement, c'est pour se rassurer, il faut catégoriser les gens. Il faut les mettre dans des tiroirs, parce qu'on a besoin de savoir à qui on a affaire quand on parle d'un projet, quand on parle d'une identité. On a besoin de savoir à qui on a affaire. Et Omeyma Aboubakr, c'est ce qu'elle dit. Elle dit finalement, le féminisme islamique, c'est cette appellation hégémonique de cet autre avec un grand A. Elle dit à un moment donné, il a fallu catégoriser une forme de militantisme qui déconcertait, qui questionnait, puisque effectivement, les féministes dites mainstream voit tout à coup, assiste à cette irruption de femmes qui, à partir d'un paradigme religieux, revendiquent une libération. Donc ça surprend, ça questionne, et en même temps, ça inquiète. Et de ce fait, il a fallu catégoriser cette nouvelle identité de femme. Et comment on identifie cette identité de femme ? Donc finalement, on se rassure en mettant dans des tiroirs. Et c'est comme ça qu'elle dit que la catégorisation des féministes islamiques s'est faite. Elle s'est faite comme ça parce qu'il a fallu se rassurer et donc on a accolé cette identité-là. L'appellation de féministe musulmane ne vient absolument pas des féministes militantes elles-mêmes. Hein. C'est que simplement, à un moment donné, on a fait émerger ce label, puis des femmes musulmanes, voilées ou pas, se sont dit, ben finalement, voilà, ce label, dans ce label, finalement, eh bien, il y a toutes les... Ce label, ce concept renferme toutes les luttes dans lesquelles je me retrouve. Alors, on parlait effectivement de la relecture, le féminisme islamique comme relecture des sources scripturaires. Alors, et là, je vais en venir à l'ouvrage et à ma thèse, donc à mes enquêtes de terrain, c'est qu'effectivement, il y a un front sur lequel les féministes musulmanes travaillent, les intellectuels, plus aux États-Unis, dans le monde arabo-musulman. Et pour la langue francophone, on a effectivement Asma Lamrabet qui fait un travail dans le cadre du CIRFI, je crois que c'est le centre d'études au Maroc. Il y avait le GIRFI dans lequel j'étais engagée, puis entre-temps, elle a lancé un centre de réflexion sur la femme en islam au Maroc. Où là, elle, pour les francophones, elle fait tout ce travail de relecture de certains versets qui font débat. Donc elle a cette approche théologique. Donc oui, il y a ce front sur lequel les femmes musulmanes sont engagées, qui est la relecture des sources scripturaires, des femmes qui considèrent que le Coran est porteur d'éléments éthiques et moraux pour aller vers cette relecture égalitaire. La relecture égalitaire donc des sources scripturaires, donc du Coran et de la Sunna. Donc la sunna, les actes et les dires du prophète de l'islam. Donc il y a toute cette génération de femmes qui travaillent là-dessus. Donc je les cite dans l'ouvrage Azel Hibri, Zib Amir Hosseini, Amina Wadoud, etc. Mais là encore, alors Amina Wadoud, Asma Barlas, elle travaille plus sur le Coran. Par contre, vous avez Zib Amir Hosseini qui, avec Azizel Hibri, par exemple, qui travaille plus sur la jurisprudence islamique, donc sur le droit musulman. Donc je ne rentrerai pas dans les détails, tout ça est dans l'ouvrage que je vous invite à vous procurer. Mais cela étant dit, c'est que la lutte de la féministe musulmane dans le monde des féministes musulmanes dans le monde arabo-musulman, les luttes de la féministe musulmane dans le monde arabo-musulman n'est pas la lutte de la féministe musulmane africaine, qui elle va peut-être travailler plus sur les questions liées à l'accès à la santé, à l'analphabétisation, à la pauvreté, et la lutte des féministes musulmanes en Europe francophone. Alors je dis Europe francophone puisque c'est là j'ai fait mes enquêtes de terrain auprès de féministes musulmanes France, Belgique et Canada, donc l'Occident francophone en réalité. Vous savez l'impact des débats français en France, en Belgique francophone et au Canada. La lutte, elle est plus d'ordre sociopolitique. Quand vous interviewez des féministes musulmanes et que vous leur demandez de développer qu'est-ce que le féminisme musulman, comment il se traduit sur le terrain, ce qui ressort systématiquement, c'est une lutte sociopolitique, une lutte contre toutes les formes de discrimination. Et mon foulard, on reviendra dessus, mon foulard, il est anti-impérialiste, mon foulard, il est politique. Et ça, c'était assez intéressant de voir et d'analyser ça dans les enquêtes de terrain. Alors, un féminisme musulman, et pourquoi pas, je vais revenir sur le bouquin, pour celles et ceux qui reconnaîtraient la phrase désormais mythique de Christine Delphi, qu'elle avait prononcée effectivement lors d'un collectif École pour toutes et tous, en 2005, au Trianon, où elle termine son intervention en disant « Désormais, un lien est établi entre le féminisme et l'islam, un féminisme musulman, et pourquoi pas ?» Point d'interrogation. Donc moi, j'ai voulu rendre hommage à Christine Delphi en donnant ce titre à cet ouvrage. Pourquoi ? Mais parce qu'en réalité, quand elle a prononcé cette phrase, non seulement elle a créé le buzz dans le mouvement féministe, comment une figure historique du féminisme français qui a été proche de Simone de Beauvoir pouvait tout à coup s'allier à des islamistes pour revendiquer des droits ? Ça complètement perturbé le mouvement féministe mainstream. D'ailleurs, ça a divisé le mouvement féministe. Peut-être Yuria reviendra dessus. Et puis, surtout, ça a valu à Christine Delphi, comme elle le disait, d'être traînée dans la boue par ses collègues, puisqu'on l'a accusée d'ouvrir des boulevards aux islamistes. Donc, ça a été quand même assez intéressant. Donc, une belle crise salutaire. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai souhaité rendre hommage à Christine Delphi qui a eu cette loyauté, qui a eu ce courage politique d'être aux côtés des femmes musulmanes et de lutter contre cette loi raciste, liberticide, antidémocratique, qui a valu de renvoyer un certain nombre de femmes à la maison, des jeunes filles à la maison. Et ça a été d'une violence assez incroyable, puisque nous, on avait eu le cas d'une jeune fille, je ne sais pas si tu te souviens, Ria, on avait eu le cas d'une jeune fille qui avait même perdu la parole. Elle avait été, donc une personne était à côté, elle ne parlait plus, tellement c'était violent. Donc c'était d'une violence symbolique. Et une jeune fille qui avait rasé ses cheveux. Donc voyez, le jour de la rentrée. Exactement. Donc voilà ces exemples-là pour dire la violence de cette loi. La violence de cette loi. Alors, moi, dans le livre, effectivement, ce titre qui peut paraître subversif, puisqu'effectivement, il questionne et il fait voler en éclats toute une compréhension qu'on a sur la question du féminisme. Donc, dans la thèse, dans l'ouvrage. Alors, cet ouvrage, c'est un peu compliqué parce qu'il y a la deuxième partie de l'ouvrage qui devrait être publiée, deuxième partie de la thèse qui devrait être publiée. Donc, cet ouvrage-là, c'est une partie de la thèse. Voilà. Donc, c'est j'ai un petit peu abordé la question de l'identité des féministes musulmanes en lien avec mes enquêtes de terrain, mais c'est surtout la théorie, puisque les éditions de l'Aube, c'était ce qu'ils souhaitaient faire publier. L'idée, c'était d'abord en France, en Europe francophone, l'idée. Parce que, moi, je vais vous dire, ce livre-là, c'est de la gnognotte à côté de... Enfin, de la gnognotte, on se comprend. Je veux dire, dans le monde anglo-saxon, ça fait déjà 15 ou 20 ans qu'on publie des bouquins sur l'islamique féminisme, quoi. Sur le féminisme islamique et le féminisme musulman. C'est rigolo. Parce qu'en fait, les Français, on a toujours du... En Europe francophone, en France, en Belgique aussi, on a toujours du retard. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que la question, elle est clarifiée. On ne se demande pas... Aujourd'hui, en Europe francophone, on est encore en train de nous demander est-ce qu'on peut être féministe et musulmane. Je veux dire, il n'y a pas ce débat-là dans le monde anglo-saxon. La question, elle est tranchée. On n'en est plus là. On n'en est plus là. Donc, il y a toute une série d'ouvrages déjà qui ont été publiés sur la question. Moi, mon ouvrage arrive modestement en contexte francophone pour donner des outils, les clés de réflexion sur c'est quoi, qu'est-ce que c'est finalement que ce monde, ce féminisme musulman dans le monde francophone, pour réconcilier, pour clarifier les enjeux du débat. Mais visiblement, ça inquiète, puisque du coup, pour le coup, on se retrouve donc voilà, face à une génération de femmes musulmanes qui se revendiquent féministes ou pas. Entre parenthèses, je rappelle aussi que vous avez des femmes qui sont engagées engagées dans des projets politiques pour aller vers cette égalité entre les genres, mais qui ne s'identifient pas de féministes. Et ça, c'est très intéressant dans mes enquêtes des terrains aussi, ça ressort systématiquement. C'est des femmes qui disent « oui, il y a des discriminations, oui, je veux me battre pour une égalité, mais je récuse cette identité de féministe. Je ne suis pas féministe. C'est pas grave. C'est pas grave. Pour moi, exactement. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'on a compris une chose, c'est qu'aujourd'hui, les droits des femmes musulmanes et d'autres femmes sont bafoués. Et qu'aujourd'hui, il faut faire émerger des projets politiques pour lutter contre toutes ces formes de discrimination, qu'on soit féministe ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est de reconnaître qu'il y a aujourd'hui une islamophobie, qu'il y a des femmes qui sont oppressées pour différentes raisons. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Féminisme musulman, d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça date de 2015, les enquêtes de terrain datent de 2014. Ce que je vois entre 2014, par exemple, et 2016, c'est qu'il y a des femmes qui trouvent que même cette identité de féministe musulmane est clivante et cloisonne. Il faut décloisonner tout ça. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que je pense que, oui, on peut parler d'un féminisme musulman lorsqu'il faut lutter contre toute forme de discrimination liée à une interprétation machiste et misogyne du Coran. Exemple, je prends toujours cet exemple-là parce qu'il est criant et qu'il faut absolument qu'on se rende compte de ça, parce qu'il y a une instrumentalisation autour de cette question en Belgique, par exemple, c'est la question de l'excision. On ne s'attendait peut-être pas à ça. Prenons la question de l'excision. Vous savez qu'il y a 6000 jeunes filles qui sont excisées en Belgique chaque année, en Europe, pardon. Ça ferait beaucoup en Belgique. 6000 jeunes filles excisées, évidemment, pas sur le sol européen, mais qui quittent le sol européen pour se faire exciser dans leur pays d'origine, notamment l'Afrique. Ce qui est intéressant de voir, c'est que une des justifications de l'excision, c'est une justification d'ordre religieuse. Et vous avez ici, à Bruxelles, des imams dans des mosquées dites africaines qui, à partir de hadith, donc des paroles du prophète, justifie la pratique de l'excision. Moi, je suis une grande amoureuse de l'Afrique subsaharienne. Je suis régulièrement en Afrique subsaharienne. Vous avez des imams qui justifient l'excision. Donc, c'est quand même intéressant. Mais en fait, on se rend compte que ce sont des hadiths dont la chaîne de transmission n'est pas fiable, que ce sont des hadiths qui sont fabriqués. Donc, cela étant dit, voilà où est la lutte de la féministe musulmane, c'est-à-dire contre-argumenter avec un argumentaire religieux, une justification religieuse sur un acte qui est en réalité culturel, puisqu'on sait tous que la pratique de l'excision est une pratique berbère qui n'a rien à voir avec l'islam, qui était déjà pratiquée, une pratique anti-islamique. Bon. Pourquoi je parle d'instrumentalisation ? C'est parce que quand vous êtes en Belgique et que vous leur dites à l'Union européenne ou même à toutes les organisations qui travaillent sur ces questions-là, je les encourage, attention, hein, il n'y a pas de souci, il faut travailler, il faut prendre à bras-le-corps cette question-là. Mais lorsque vous leur dites, pourquoi vous n'associez pas les musulmans, les organisations musulmanes ou les femmes musulmanes à vos côtés pour contrecarrer cette pratique-là, eh bien non, tout à coup, ça devient une lutte qui devrait s'inscrire uniquement sur le registre des droits humains. Effectivement, c'est une atteinte, c'est un problème de santé publique. Oui, effectivement, c'est un problème de santé publique. C'est le corps d'une femme qui est mutilé et on ne peut pas le cautionner. Moi-même, en tant que femme musulmane, quand on sait que l'islam fait l'apologie, entre guillemets, l'exaltation du plaisir sexuel, comment une jeune fille qui se ferait exciser pourrait atteindre un plaisir quand on sait que dans les traditions, la tradition musulmane, on sait que cette exaltation est faite. Donc ce n'est pas possible que le prophète de l'islam, paix sur lui, ait fait la promotion ou les cautionné. Ce n'est pas possible. Donc quand nous, on a les argumentaires religieux pour contrecarrer cette pratique, bien là, oui, je suis sur le registre islamique. Oui, je suis sur le registre du terrain, de la relecture des textes. Donc là, oui, il y a effectivement légitimation de parler d'un féminisme islamique. Mais lorsque je vais me battre contre ces discriminations que les femmes subissent ou qu'une femme qui est voilée dans un foulard, comme ça arrive en région parisienne, elle se fait arracher son foulard parce qu'en face d'elle, il y a une personne qui ne supporte pas le foulard. Parce que c'est terrible. Hein. Moi, j'étais à un dîner mercredi, là. Je ne dirais pas où, parce qu'on va griller le... Enfin, je ne sais pas si bon, on va griller. Bon, j'étais au palais d'Egmont. Pour un dîner gala, ça c'est dit. Palais d'Egmont, c'est l'équivalent de quoi en France ? C'est un palais. Enfin, bref. Bon, donc un réseau qui organise un réseau, un des think tanks les plus un des think tanks les plus influents d'Europe, organise donc des réflexions sur les questions liées à l'Europe. Donc, généralement, voilà, bon, je suis invitée à ces galas, j'y vais, chouette. Et puis, je me retrouve avec une... Ah, bah, c'était une Française, mais il n'y a que les Français, hein. Puis je voyais qu'elle me regardait comme ça. Puis, tu sais, moi, j'étais en train de discuter avec le gars d'à côté, qui était intéressant, qui était français aussi, mais qui lui était expatrié en, il était expatrié en Indonésie. Puis il me parlait, un gars de l'agence pour le développement, voilà. Puis on discutait, on parlait, c'était très intéressant. Puis je voyais qu'elle, elle faisait une fixation sur moi. Puis à un moment donné, elle me dit « Ah ben, vous avez un très joli foulard. » Ah ben, je lui dis « Merci. » Ouf, je lui dis « Madame, je pensais que vous alliez vous lâcher. » Puis alors, elle se lâche. Et alors, elle sort toute sa haine du foulard. Mais le mien était beau. C'est comme quand on vous dit « J'aime pas les Arabes, mais moi, je t'aime bien. » Donc là, c'était tout à fait ça. Ouais, mais c'est ça. Donc là, c'est « J'aime pas le foulard, mais le tien, il est beau. » Ben oui, le mien, il est fashion victime. Donc, il passait bien. Non, mais sérieusement. Et alors, elle me sort toute sa haine à l'endroit du foulard. Et puis, elle me sort le burkini. Et puis, elle dit au gars qui est à côté, elle dit « Vous vous rendez compte ?» Elle dit « Parce qu'en France, dans les quartiers parisiens, si vous ne portez pas le foulard, vous pouvez vous faire violenter. » Donc, c'était ça. Et cette femme-là, je vous dis même pas qui c'est, elle travaillait pour le cabinet de Jacques Delors. Hein. Je veux dire, c'est une femme qui est fonctionnaire européen. Ça fait peur quand même. Ça fait très très peur. Et le gars qui est à côté lui rétorque « Ah bah, en fait, moi, ça fait 30 minutes que je lui parle, mais je voyais même pas qu'elle avait un foulard. » C'est intéressant. Pourquoi il dit ça, le gars ? Il dit parce qu'en fait, lui, il était sur un autre registre au moment où on me parlait. On était en train de parler de débats, d'enjeux sociopolitiques. Tout ça pour vous dire que, puisque je voulais dire, soit. Tout ça pour vous dire que je crois que c'est justement cette génération de femmes dont je parle un petit peu dans l'ouvrage qui dérange, qui veut être autonome, libre et qui pose problème. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a le développement aujourd'hui d'un contre-discours pour lutter contre toutes les formes de discrimination, comme je le disais, que cette discrimination provienne des hommes, qu'elle provienne des institutions ou qu'elle provienne des femmes elles-mêmes. Elle dénonce donc le sexisme, le racisme, l'islamophobie, le paternalisme, le capitalisme. C'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que cette génération féministe musulmane ne reste plus uniquement sur la lutte des sources scripturaires, de la lutte sociopolitique, mais il y a tout un développement, il y a toute une maturation politique, une pensée articulée au niveau politique qui s'élabore. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, c'est ce profil qui est prometteur. Pourquoi ? Parce qu'elle dénonce et elle défie un certain pouvoir. On le voit en France, on le voit en Belgique. Dans le monde arabe ou musulman, la question du féminisme musulman, c'est surtout une question d'ordre politique. Il y avait en Égypte, quand j'avais rencontré les féministes musulmanes intellectuelles en Égypte, elle disait le projet féminin musulman prendra corps uniquement si le politique nous laisse. Hein ? Uniquement si le politique nous laisse développer cette rhétorique sur le terrain. Donc c'est une question qui est politique. Donc ces femmes défient le pouvoir, défient le politique, et elles font surtout, elles s'approprient l'espace public. Ça, c'est très intéressant. Nous, on l'a vu en 2004, en France, en 2004. C'est là, d'ailleurs, qu'on a vu émerger. Donc on avait Saïda Kadar, on a eu Ouria, on a eu toute une série de figures qui se sont appropriées. Alors là, féministes, musulmanes ou pas, hein, on se fiche de l'identité. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui, à un moment donné, ont dit non, il y a des droits qui sont bafoués, et elles se sont appropriées l'espace public avec une rhétorique qui a dérangé, mais parce qu'elle était, c'était plus des luttes de femmes qui étaient invisibilisées, c'était des luttes de femmes qui étaient rendues visibles par le politique, parce qu'elles s'engageaient en politique. On a eu le cas en Belgique, où on a énormément de femmes qui sont engagées en politique. Hein, tu sais, nous, rien, on a des femmes voilées au Parlement, alors que je crois qu'en France, même rentrer dans le Parlement avec un voile, donc nous, on peut être fiers de cela en Belgique, mais des femmes qui investissent les partis politiques, en Belgique. En France, elle reste encore au niveau des élections municipales, voire législatives, mais c'est encore timide. En Belgique, c'est vrai que c'est différent. Nos femmes sont là, sont présentes, donc elles sont rendues visibles. Et ça a aussi déconstruit et ça a inquiété. Et là, ça inquiète de plus en plus. Et je reviens sur le cas Lalab. Hein, on les a eues la semaine dernière, où elles sont venues à Bruxelles et elles soufflaient. Et donc je salue et je rends hommage, j'en profite pour rendre hommage à l'association INEA et à Rachida Ariahi, Nadia Ariahi, qui ont porté le lancement de mon ouvrage. On a invité Lalab et c'est ce qu'elle disait, puisque la RTBF était présente. Ils ont fait un petit reportage qui est passé à la une. Jamais on imaginerait TF1 faire 3 minutes sur le féminisme musulman, quoi. Donc c'est, voilà, ça c'est aussi la beauté de la Belgique. Bien sûr qu'il y a de l'islamophobie, bien sûr que ce n'est pas évident ici et qu'il y a du racisme structurel, institutionnalisé, il faut le reconnaître, mais c'est quand même moins crispé. Donc des femmes qui contribuent à cette justice sociale, qui revendiquent une légitimité politique, donc cet espace public, et des femmes qui font voler en éclats finalement cette, en anglais on dit la conventional wisdom, donc cette sagesse conventionnelle, elles font voler en éclats cette sagesse conventionnelle dans, à laquelle en fait on voudrait les assigner. Je prenais cet exemple-là la semaine dernière, c'est que nos mères, tant qu'elles rasaient les murs avec le foulard, ça posait pas problème. Sauf que là, on est face à des femmes, comme je le disais tout à l'heure, qui ont une analyse politique des enjeux, qui ont cette pensée articulée et qui sont rendues visibles. Donc des femmes qui contribuent à l'histoire de la résistance des femmes. Je suis désolée, on a des femmes aujourd'hui, c'est de la résistance et elles vont faire partie, on en parlait tout à l'heure, dans 15 ans, 20 ans, peut-être qu'on nous citera comme des... Hein, n'est-ce pas? En général, c'est après la mort qu'on nous reconnaît. Voilà. En général. Voilà. Donc, des femmes qui font partie de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'elles questionnent aussi les contradictions de la société européenne. Des femmes qui aussi questionnent une certaine classe laïque, le féminisme aussi. Hein, des femmes qui questionnent la cartographie du féminisme. Des mouvements féministes, des femmes qui font voler aussi en éclats cette image stéréotypée qu'on a des femmes musulmanes. C'est marrant parce qu'il y a... j'y parle de ça 20 ans après, parce qu'il y a 20 ans, c'était pas ça du tout. Et là, vous le voyez même, vous savez, on est dans des sociétés de l'image. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, simplement... vous savez, des fois, vous faites des conférences, les gens, ils vous regardent, ils n'écoutent pas ce que vous dites, ils vous regardent. Les gens n'écoutent pas, ils vous regardent, mais en fait ils regardent quoi? Ils se disent c'est quand même marrant, on a des femmes qui sont voilées ou pas voilées, mais qui dans ce qu'elles dégagent et dans la manière dont elles parlent, ben, on sent qu'il n'y a pas d'oppression, on sent qu'il n'y a ni le père ni le frère, non, il y a vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur, il y a une lutte qui est portée de l'intérieur, et ça dérange, ça fait peur, puisqu'on est face à des femmes qui ont cette réputation d'être rebelle et incontrôlable. Rebelle et incontrôlable. Et l'ALAB, pour ceux qui ont entendu parler du débat l'ALAB en France, l'ALAB, elles étaient dans leur coin. Quand je dis elles étaient dans leur coin, elles passaient bien. Ouais, parce que l'ALAB, Sarah Zouak, c'est une femme d'origine marocaine, elle ne porte pas le foulard. Et puis Justine de Villene, c'est une Française athée. Donc au niveau marketing... Ça passe bien. Donc évidemment, c'est vrai, quand vous écoutez Sarah ou quand vous voyez, on leur roulait le tapis rouge au niveau média, elles étaient reprises partout, Elle Magazine, je critique pas Elle, parce que moi aussi, je suis un petit truc dans Elle, mais je veux dire, elles étaient quand même médiatisées, peut-être que Ouria, moi j'étais pas, voilà, je suis ça de loin, mais en tout cas, elles étaient médiatisées. Puis dès qu'elles sont arrivées sur un terrain où il me semble, en regardant ça de loin, qu'elles sont arrivées sur cette rhétorique de militantes incontrôlables et rebelles, eh bien là, il y a eu un acharnement politico-médiatique. Un acharnement politico-médiatique, pourquoi? Eh bien, parce qu'elles étaient aussi dans cet état d'esprit de dire « nous, on est sur le registre de la sororité aussi ». Donc, ce n'était pas la révolution du féminisme, c'était la révolution de la solidarité entre femmes. Et c'est là que ça dérange, parce qu'aujourd'hui, on est face à des femmes qui veulent diviser pour mieux dominer. C'est diviser pour mieux dominer. C'est pas diviser pour mieux régner, c'est diviser pour mieux dominer. C'est-à-dire, on va vous diviser. Et moi, malheureusement, je regrette que parmi nous, des femmes musulmanes, et peut-être moi la première, peut-être qu'on peut me renvoyer ça à la figure, mais des femmes musulmanes aujourd'hui sont instrumentalisées, utilisées pour mieux diviser à l'intérieur même des courants musulmans. On a des femmes musulmanes qui sont invitées ici et là ou qui sont prises ici et là dans des projets. Ça, c'est mon petit coup de gueule, désolée. Qui sont prises, utilisées, instrumentalisées pour mieux diviser les femmes qui sont en train de faire dans l'ombre un travail qui, je l'espère en tout cas, aura des conséquences sur le terrain. Donc, j'ai beaucoup blabaté, je passe sur là-dessus. Allez acheter le bouquin là, pour que vous voyez un petit peu, voilà, comment c'est traduit sur le terrain un petit peu cette identité. Donc en 2000-2003, c'était des femmes qui parlaient de féminisation, donc la question de la femme en islam, donc des femmes qui se sont structurées, qui qui ont développé des fronts militants sur au départ. Donc c'était vraiment la question de la femme. Moi j'étais en plein dedans. Enfin quand je dis elle, c'est moi aussi. Bon ça c'est la sociologue qui a étudié un objet de recherche avec laquelle elle est partie prise. Donc c'est compliqué. Mais 2000-2003, là c'est la militante qui parle. J'ai du mal à parler comme sociologue. 2000-2003, ce sont des femmes qui s'approprient tous les débats, quelles questions, de l'être de la femme, le divorce, la polygamie, l'égalité homme-femme, l'engagement de la femme, je me souviens encore, on était sur ces questions-là, est-ce qu'on peut être musulmane et engagée ? Donc en 2000-2003, c'était un peu ça. Puis on arrive au premier signe avant-coureur de cette posture féministe qui a été rendue visible, comme je le disais, par les femmes qui ont pris la parole. Et on était, bon, effectivement, à Paris, le collectif de féministes pour l'égalité qui rassemble des féministes d'horizons divers. Et puis là, on voit des féministes égalitaristes, tout ce que vous voulez, avec des voilées qui sont assises et puis je salue mon amie Nadia Riaï de l'association Inaya. Grillée. Elle qui a du mal à être... Donc, cette posture féministe qui commence à poindre et qui commence à déranger, qui fait débat. Et puis, ce qui ressort de mes enquêtes des terrains, à partir de 2009, on parle de ce que j'explique, de l'émergence d'un féminisme musulman à l'affirmation claire et nette de l'identité de féministe musulmane. Et là, il y a tout un travail qui a dû se faire. Moi, je me souviens, quand je faisais des séminaires de formation sur c'est quoi le féminisme musulman, on m'accusait de vouloir occidentaliser l'islam. Et celle qui, il y a 10 ans, me disait « Malika, de quoi tu nous parles ?» aujourd'hui sont les premières dans les médias ou dans les partis politiques à dire « je suis féministe musulmane » ou féministe... Bon, après, ça évolue. Maintenant, on a les féministes intersectionnelles, les féministes anticoloniales, les féministes... Voilà, toutes ces identités. Comme je disais tout à l'heure en préambule, c'est toujours ce besoin de devoir se justifier. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'agace. C'est comme quand on devait se justifier. On devait se justifier à un moment donné la raison pour laquelle on a porté le foulard. Moi, je n'ai pas à dire. D'ailleurs, la journaliste de l'RTBF, quand elle m'a posé la question samedi dernier, elle m'a dit « Et vous, votre foulard, je ne vous réponds pas à cette question. » C'est une stratégie politique pour détourner nos regards des vraies questions. Ben, aujourd'hui, c'est la même chose. Vous dites féministe et musulmane et on doit se justifier d'être féministe et musulmane. Bien non. Voilà. Il y a des femmes qui utilisent les outils conceptuels, méthodologiques féminisme, puis qui se sentent bien dans cette identité hybride qui combine la religiosité et le féminisme, eh bien, pourquoi pas, hein. Voilà, c'est le fameux pourquoi pas de Christine. En conclusion, parce que j'ai beaucoup parlé, je suis partie un petit peu... Parce que c'est important aussi de faire cette présentation. C'est important de faire cette présentation avec des anecdotes aussi. Hein. Voilà. J'ai pas envie de faire une présentation théorique parce que ça peut pas être qu'une présentation théorique venant de ma part parce que c'est aussi mon histoire, c'est aussi ma mémoire d'une femme qui à un moment donné est partie d'une démarche spirituelle qui a politisé sa lutte, sa résistance, qui a spiritualisé aussi sa lutte. Qui a politisé sa spiritualité. Voilà, c'est ça. À un moment donné, j'ai spiritualisé ma lutte et j'ai politisé ma spiritualité. C'est ce qui s'est passé en moi à un moment donné sur ces 15 dernières années et qui se ponctue aussi d'anecdotes, d'engagements dans des collectifs, etc. Angela Davis disait dans son ouvrage « Une lutte sans trêve » lorsqu'elle parlait du black feminism dans les années 60-70 aux États-Unis. D'ailleurs, je disais ça parce que c'est à elle, je ne sais plus à qui j'ai dit ça, je disais qu'en réalité, le féminisme musulman est en Europe, ce que le black feminism était aux États-Unis dans les années 60-70. Elle disait « Nos luttes mûrissent, de nouvelles questions émergent et du coup de nouvelles idées vont émerger. Et ces nouvelles questions vont ouvrir la voie à de nouvelles voies pour aller vers cette quête de liberté. Et quand vous regardez aujourd'hui les débats sur lesquels on nous renvoie en tant que femmes musulmanes, c'est systématiquement ça. C'est vous allez vers une liberté, vers une libération, mais vous utilisez de nouvelles voies. Ce que je voulais dire il y a 30 secondes, c'est que moi je pars de ma foi, j'utilise les concepts, effectivement, du féminisme. Mais pour moi, le féminisme n'est pas une fin en soi. Pour moi, le féminisme n'est pas une fin en soi. Et ça, c'est une réflexion que je suis en train de... mener. Dans ce contexte de l'affirmation et de l'émergence des féminismes musulmans, il y a deux concepts théoriques. Je termine là-dessus, puisque c'est là-dessus que tu vas rebondir, Khadija. C'est que l'approche intersectionnelle à l'aune des théories postcoloniales aujourd'hui est très pourrait être intéressante pour comprendre l'émergence de ce féminisme musulman. Pourquoi ? Un, parce que l'approche intersectionnelle, les théories postcoloniales aujourd'hui sont en train d'inviter le féminisme de sortir d'une certaine forme d'ethnocentrisme. Ça, c'est un, qui permet difficilement à des femmes musulmanes notamment, moi je parle des féministes musulmanes, trouver leur place. Deux, elle permet de poser la question politique des rapports de domination. Que ces rapports de domination soient engendrés par le colonialisme, par le patriarcat, par le racisme. Et ça nous permet aussi de définir les causes, de s'attaquer aux causes structurelles de ces situations d'inégalité et d'exclusion, des représentations aussi stéréotypées des femmes. Donc cette grille d'analyse-là est très intéressante. Ces théories-là aussi ouvrent la reconnaissance d'abord de la diversité des expériences des femmes en matière de discrimination, donc de dire qu'il y a des femmes qui sont différentes, mais surtout il fait émerger cette possibilité de faire de réfléchir à cette pratique féministe justement solidaire, à cette politique féministe solidaire dans cette quête de liberté. Encore faut-il que, parce que là je suis en train de parler de concepts de théorie postcoloniale intersectionnelle, et peut-être que certains ne comprennent même pas de quoi je parle. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il faut véritablement parfois évoluer en France, pas aux États-Unis. Mais en France, il faut évoluer dans les sphères académiques pour comprendre de quoi on parle. Et c'est ça ma question. C'est que, comme le dit Sirma Bilg, qui est peut-être que certaines la connaissent, c'est une prof de sociologie à Montréal. Elle dit qu'en réalité, toute cette réflexion autour des théories postcoloniales intersectionnelles ne dépasse pas les cercles universitaires. Et comment est-ce qu'on va faire aujourd'hui, je terminerai là-dessus, comment est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour... Parce que pour moi, le postcolonialisme, les théories postcoloniales, les théories intersectionnelles posent la question d'un problème. Elles posent la question d'un problème. Et ce que je disais la semaine dernière, c'est que pour moi, la diversité, être une féministe de la diversité, ça pourrait être une réponse. La féministe intersectionnelle pose un problème. La féministe de la diversité pourrait apporter une réflexion, des éléments de réponse pour que les femmes musulmanes puissent trouver leur place dans ce courant féministe mainstream. Encore faut-il qu'on nous la donne. Mais finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui penser, réfléchir l'entrecroisement entre l'élaboration théorique de ces théories-là alliées au concept de féminisme musulman à l'agir politique ? D'accord ? Donc l'élaboration de l'entrecroisement, l'élaboration théorique de l'agir, réfléchir à l'entrecroisement de l'élaboration théorique à l'agir politique. Et je crois que c'est ça la vraie, en tout cas, ce qui pourrait faire émerger des espoirs de réflexion chez les féministes musulmanes, toujours à partir de ma réflexion et de mes enquêtes de terrain, pour faire émerger justement ce mouvement féministe décolonisé en rupture avec l'universalisme occidental. Mais en sommes-nous capables ? Je vous remercie de votre attention. J'ai été bien longue. Merci beaucoup, Malika. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit. Je pense que dans la discussion avec Ouria, on aura l'occasion d'approfondir l'une ou l'autre chose. Peut-être juste un petit élément pour nuancer ce que tu as dit sur les questions liées au port du foulard ici en Belgique, comme quoi c'est moins crispé, moins que la France, exactement. Effectivement, il y a peut-être moins d'hystérie médiatique et politique, en tout cas à première vue ici en Belgique. Mais je pense que ce serait une erreur de dire que c'est plus apaisé du coup, parce que ce qui est différent entre la Belgique et la France, c'est qu'en France, les questions se posent. Elles se posent dans l'arène médiatique, elles se posent dans l'arène politique, ce qui n'est pas forcément toujours le cas ici en Belgique. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les dispositions ne passent pas législatives. Il faut rappeler que la disposition anti-burqa a été votée ici en Belgique avant la France. La question de l'interdiction du foulard dans les écoles, elle se pose en Belgique de manière généralisée, dans le monde professionnel aussi. En tout cas, il y a la question de la neutralité qui est posée, par exemple, dans les services publics. La question même de l'accompagnement des mamans dans les sorties scolaires. La ville de Bruxelles a adopté un règlement d'ordre intérieur qui interdit explicitement aux mamans voilées